la côte. Mais aujourd'hui, mon cœur tremble, qu'il est dur de rester la tête haute. Tu nous as quittés bien trop tôt, trop jeune. On a partagé tant d'intimité. Pourquoi toi, si jeune, tu n'aurais pas dû nous quitter? Hélas, écorché, tu nous as laissé. T'as été rappelé totalement contre ton gré. Tu étais de ceux qu'on ne peut pas critiquer. Mis à part peut-être ta pureté, ta bonté. Beaucoup trop jeune. Ne dis pas qu'il existe un bon Dieu qui prendrait soin de ses voiles, même petites, sans faire d'orphelin. Je constate avec dépit que cruelle est la vie. Elle ne sait pas faire la distinction. Trier les mauvais des bons, non. T'es bien trop tôt, trop jeune. On a partagé tant d'intimité. Pourquoi toi, si jeune, tu n'aurais pas dû nous.